C'est l'info, l'invité de la semaine. Le 8 novembre 2016, l'élection présidentielle américaine a porté à la Maison Blanche un homme d'affaires sans expérience politique, un candidat atypique, marchant à l'instinct et à l'imprévisibilité, un populiste dressé contre le système et le politiquement correct. L'équation comportait une énorme inconnue. Quel président serait Donald Trump ? Un an plus tard, les Américains ont l'impression de lire à livre ouvert dans la tête de cet homme qui s'épanche continuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, il est plus complexe qu'il ne paraît, toujours en mouvement sur plusieurs fronts à la fois. En certaines occasions, on peut penser que l'ancien promoteur est totalement perdu et ne sait pas ce qu'il fait à la tête de la nation la plus puissante du monde. À d'autres moments, il paraît avoir un plan et le suivre opiniâtrement. Nicolas Gachon, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire consultant spécialiste des États-Unis. Alors, il est un peu trop tôt pour solder les comptes de cette étrange présidence au bout de seulement 9 mois et demi, mais la période a déjà permis de camper pour l'histoire un personnage stupéfiant. En tant qu'historien, la présidence Trump semble être un sujet d'étude passionnant autant que déroutant, hein. Passionnant et déroutant, et je pense que ça va rester très longtemps, très très longtemps, un sujet d'étude. J'étais en train de vous écouter, et en réalité, Donald Trump fournit ce pourquoi il a été élu. Il propose un style qui est absolument non présidentiel, mais force est de constater qu'il a été élu pour être non présidentiel, et parce que c'est ce que voulait sa base. Et la question qui se pose maintenant, c'est combien de temps sa base continuera-t-elle à le soutenir. Oui, on dit souvent que la base Trump tient, hein, pour relativiser une impopularité qui grimpe ces derniers mois. Cette base semble néanmoins être toujours réelle, hein. Écoutez, sa base tient pour le moment. Il y a quelques signes d'affaiblissement ici ou là. On voit notamment que sur la réforme de santé, ça a causé quelques petites crispations. Mais effectivement, les signes d'affaiblissement ne sont pas assez significatifs pour affaiblir durablement Donald Trump. Alors inversement, lui n'a pas non plus abandonné sa base, mais j'ai envie de vous dire que c'est uniquement sur un plan rhétorique et que c'est une toute autre affaire sur un plan politique, hein. Vous connaissez le programme qui a été proposé par Trump. Le mur n'est pas construit, le mur avec le Mexique n'est pas financé, l'investissement dans les infrastructures n'est pas mis en place, il n'y a même pas un projet de loi. Donc le soutien de Trump à sa base est essentiellement rhétorique et sa base tient encore, mais effectivement la maison Trump tente à se fissurer un petit peu en ce moment. Alors il y a un an, l'élection de Donald Trump avait montré une Amérique particulièrement divisée. Cette Amérique semble toujours être divisée un an après. Elle reste divisée. Trump avait fait une campagne extrêmement clivante. Il avait fait un discours d'investiture extrêmement dur pour un président des États-Unis. Et on peut dire aujourd'hui que le pays reste plus divisé que jamais. Trump avait dit dès le 9 novembre 2016, donc lendemain de l'élection, qu'il était temps pour l'Amérique de penser les plaies de la division. Mais vous voyez bien que la division est partout, entre communautés, entre partis politiques et même au sein des partis politiques. On voit que le parti républicain est en train de se déchirer en ce moment. Alors Nicolas Gachon, le Congrès américain a adopté fin octobre la résolution sur le budget 2018 après un vote de la Chambre des représentants qui permettra au président de lancer sa grande réforme fiscale qui inclut une baisse d'impôts de 1500 milliards de dollars. La résolution votée la semaine dernière par le Sénat a été adoptée par 216 voix pour à la Chambre. Donald Trump semble tout de même conserver son avance au Sénat et donc dans son parti politique. Écoutez, pour ce qui est de la question budgétaire, il faut bien comprendre que pour le Parti républicain, qui n'a pas pu voter quoi que ce soit pour le moment, la question budgétaire fait partie de ce qu'on appelle l'orthodoxie républicaine. Donc effectivement, les républicains vont toujours chercher à baisser les impôts pour plusieurs raisons. Un, c'est dans leur philosophie économique, et deux, ça leur sert également à asphyxier un petit peu le gouvernement fédéral. Donc il y a effectivement une réforme fiscale en ce moment et qui fait partie de probablement des réussites sur lesquelles Trump peut espérer compter si elle se concrétise. Donc pour l'instant c'est une réussite incomplète. Il y a des dispositions dedans qui sont assez classiques comme la baisse de l'impôt dont vous parliez, notamment l'impôt sur les bénéfices qui va passer de 35 à 20%. Et puis aussi cette disposition que je trouve un petit peu révolutionnaire qui veut que les produits vendus aux États-Unis par une entreprise et fabriqués par cette même entreprise dans une usine installée à l'étranger vont se trouver taxés à 20%. alors que ceux qui sont fabriqués aux États-Unis ne le seraient pas. Voilà, donc là, il y a un champ qui s'ouvre avec le budget qu'il va falloir suivre, oui. Comment Donald Trump est-il accompagné dans ses fonctions? Qui sont les hommes forts qui entourent le président? Alors c'est extrêmement difficile à savoir et à mesurer. C'était beaucoup plus simple avec la totalité de ses prédécesseurs. Là, vous avez une Maison Blanche un petit peu à géométrie variable. Donc vous avez bien vu qu'il y a toute une série de démissions de conseillers, y compris le très polémique Steve Bannon. Il y a quand même des plans de népotisme puisqu'il est entouré par des membres de sa famille. Et l'autre caractéristique, c'est que après l'élection, il aurait dû davantage de hauts fonctionnaires dans l'administration, ce qu'il a choisi de ne pas faire. Il a même fait une déclaration très étrange la semaine dernière en disant « ça n'est pas grave si je nomme pas de hauts fonctionnaires puisqu'après tout, je suis le seul qui compte ». Voilà, donc Trump, à mon avis, on le sait, s'est entouré de personnalités extrêmement polémiques. Je pense qu'il y a une très forte influence de Steve Bannon, même s'il a été limogé et qu'il est aujourd'hui en train d'agiter les médias conservateurs. Voilà, et on se demande si Trump écoute beaucoup de gens. Donc c'est vraiment un sujet, ça sera un sujet d'étude, à mon avis, à la fin de son administration. Oui, on en parlait tout à l'heure, depuis son élection, donc Donald Trump a fait de la politique américaine d'immigration un pilier de la stratégie de priorité nationale, une stratégie qu'il avait promue durant la campagne. On se souvient donc du Muslim ban en début d'année qui a fait couler beaucoup d'encre en Amérique et dans le monde entier, et donc de ce projet d'un mur à la frontière avec le Mexique qui semble tout de même être toujours d'actualité. Donald Trump, sur l'immigration, ne souhaite pas renoncer pour conserver visiblement donc sa base, hein, Nicolas Gachon. Ben, je pense que rhétoriquement, il ne peut surtout pas le faire, ouais. Même si pour l'instant c'est échec sur échec. Il a échoué sur l'immigration légale, avec son projet de refonte complètement enlisé du système de visa. Il a échoué sur l'immigration illégale, hein. On a bien vu la question des Dreamers, la question de la construction du mur. C'est notamment le mur qui pose problème. Donald Trump peut tout à fait construire un mur, c'est la question du financement. Il a promis pendant sa campagne que le mur serait financé par le Mexique, et là il a demandé plusieurs milliards de dollars au Congrès donc pour financer ce mur, mais demander plusieurs milliards de dollars au Congrès pour financer le mur revient à le faire financer par le citoyen américain. Et donc ça, c'est quelque chose qui va le mettre en porte-à-faux avec sa base. Et donc effectivement, il est en très grande difficulté sur l'immigration. Il y a eu, ça, vous venez d'en parler, ces décrets anti-immigration. Mais à ce jour, la quasi-totalité de ces décrets ont été bloqués par les cours de justice fédérales. Et on a bien vu que la Cour suprême a tout fait donc pour ne pas avoir à traiter le dossier pour l'instant. La semaine dernière, les premières mises en examen sont également tombées dans l'affaire des soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. Quels sont les risques encourus par Donald Trump? Beaucoup parlent d'impeachment, de destitution. Oui, c'est le risque majeur. Visiblement, c'est un dossier qui était très très complexe pour lui. Et alors, c'est très intéressant parce que les commissions, il y a trois commissions du Congrès qui enquêtent, et on voit bien qu'elles n'arrivent pas à travailler, qu'elles n'arrivent pas à aboutir. En revanche, l'enquête conduite par Robert Mueller, elle avance, et on a bien vu que donc il y a eu déjà des premières inculpations. Le risque à court ou moyen terme, si les choses se poursuivent sur ce ton-là, c'est effectivement une destitution. Mais bon, pour qu'il y ait destitution, il faut que la Chambre des représentants vote des chefs d'inculpation contre Trump. Or, la Chambre des représentants est républicaine. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement improbable. Sauf si on avait des preuves avérées. Et donc Trump commet des erreurs politiques majeures lorsqu'il se retourne contre son Congrès qui est républicain, puisque à terme il pourrait prendre le risque de voir donc des membres du Congrès républicain voter contre lui dans une procédure d'impeachment, ce qui s'est produit pour Richard Nixon au début des années 70. Et une éventuelle procédure d'impeachment amènerait donc son vice-président Mike Pence au pouvoir. Effectivement, donc il faut le souligner. Les démocrates ne sont, bon, on parle beaucoup d'impeachment, donc de destitution. Je ne sais pas si ce serait véritablement une bonne affaire. Bon, beaucoup de démocrates aimeraient se débarrasser de Donald Trump pour des raisons évidentes. Cela étant, ça ne serait pas une alternative politique et ça apporterait au pouvoir une personnalité comme Pence dont certains observateurs commencent à se demander s'il ne serait pas intéressé lui-même par une candidature à la présidence dans le sillage de Trump ou contre Trump. Donc effectivement, une destitution. Mais une destitution, c'est une procédure qui est extrêmement longue et dans tous les cas, effectivement, comme principe, elle apporterait Mike Pence au pouvoir. Et il faut le souligner, Mike Pence est bien plus extrémiste que ne peut l'être Donald Trump aux États-Unis. Oui, c'est un ultra-conservateur, effectivement. Oui. Alors parlons à présent un petit peu, Nicolas Gachon, de politique étrangère. Sa politique étrangère depuis son arrivée au pouvoir déconcerte selon les sujets et surtout selon les semaines et les humeurs, les déclarations et les décisions aussi entre un positionnement nationaliste et le respect des pratiques de la diplomatie internationale. Quel est le regard de Donald Trump envers le droit international? A-t-il pris conscience de ce qu'est réellement le droit international? Je pense que c'est encore plus compliqué que ça ou plus simple que ça. Je pense que Donald Trump n'a pas conscience ou faim de ne pas avoir conscience de ce que c'est que le multilatéralisme. Alors on voit bien qu'il a promis des tas de choses qu'il avait. On l'a vu pour la COP21, on l'a vu pour l'accord sur le nucléaire iranien. Trump promet par exemple qu'il va faire sortir les États-Unis de tout un tas d'accords dans lesquels sont engagés les États-Unis, sans comprendre que ces accords sont des accords multilatéraux et que Trump raisonne constamment sur le mode bilatéral. Et il a une vision donc qui correspond à la rhétorique de sa campagne, Make America Great Again, donc assez suprémaciste, et qui effectivement irrite la quasi-totalité de ses partenaires à l'étranger. On voit bien les relations complexes qu'il a avec l'Europe. On voit bien en ce moment dans son déplacement en Chine qu'il a besoin de chercher l'appui de la Chine. Il va rencontrer Poutine prochainement. Il aura besoin de Poutine. Mais il n'a pas de vision pour la région, il n'a pas de vision régionale alors qu'il prêche le monde indo-pacifique, etc. Donc Trump est en train d'isoler les États-Unis. On voit bien que par exemple pour l'accord de Paris sur le climat, maintenant que Syrie a signé cet accord, les États-Unis sont le seul pays au monde à ne pas l'avoir signé. Donc c'est assez caractéristique donc d'une politique isolationniste qui tend vers un isolement assez préoccupant des États-Unis. Oui, alors si on prend par exemple l'exemple de la Corée du Nord, un discours sans retenue à l'Assemblée des Nations Unies en septembre dernier, des menaces qui persistent, une position donc effectivement très bilatérale, très unilatéraliste. Donald Trump pense-t-il réellement ce qu'il dit? Et surtout, est-ce que de tels propos auraient pu être édictés par d'autres présidents tels que George W. Bush 15 ans auparavant? C'est très improbable. On a vu que George W. Bush était quand même, pour une part, contrôlé par ses conseillers, notamment par ses conseillers en communication. Là, il y a eu une escalade verbale et de provocation qui est très, très, très, très préoccupante. On voit bien que l'usage des tweets pose également problème, mais ça aussi, ce sera, à mon avis, un sujet d'étude. Ça pose des questions, y compris en termes d'archivage et de classification. Trump est un homme qui se sent traqué. Je pense qu'il est entré dans une sorte de paranoïa où il pense à tort ou à raison, hein, ça on pourrait en débattre, qu'il ne peut pas faire confiance aux médias et donc qu'il communique par tweet. S'agissant de la Corée du Nord, il s'est engagé trop vite, trop fort, il leur a promis le feu et la fureur, mais bon, c'est une position qu'il ne peut pas tenir lentement, qu'il ne peut pas tenir longtemps, sans discréditer la voix des États-Unis, et on voit bien que dans son déplacement en Asie, on a eu une rhétorique et une communication en géométrie variable, avec un ton radouci, une modération accrue en Corée du Sud, un petit peu au Japon et puis beaucoup en Corée du Sud. Il faut savoir aussi qu'en faisant ça, il a tout fait pour satisfaire les autorités de Corée du Sud, qui, pour mémoire, l'avaient rappelé à l'ordre fin septembre en enjoignant de changer de ton avec Pyongyang. Là, en Chine, il a haussé un petit peu le ton à nouveau contre la Corée du Nord en disant « ne nous mettez pas à l'épreuve », etc. Il faut comprendre que Trump est affaibli. Il cherche des appuis en Chine et en Russie. Il est affaibli parce que en politique intérieure, il a du mal à conduire son pays. Il a du mal à contrôler son congrès. Donc cette escalade verbale avec Pyongyang, finalement, devra trouver une issue, et c'est ça qu'il est en train de chercher à Pékin et qu'il cherchera dans sa rencontre avec Poutine. Oui, alors avant la rencontre avec Poutine, effectivement, Donald Trump est arrivé cette semaine en Chine. Si pendant la campagne, il accusait la Chine d'avoir volé des millions d'emplois aux États-Unis, désormais, Donald Trump ne tarit plus d'éloges envers son homologue chinois Xi Jinping. Et ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, à un moment où les États-Unis perdent d'influence, eh bien la Chine est en train de grimper. C'était le magazine Time hein, qui, la semaine dernière, désigner la Chine comme la future grande puissance mondiale. Les rôles sont en train donc de s'inverser et de changer. Complètement. Et Xi Jinping lui-même a affirmé très récemment que la Chine allait redevenir la puissance, la première puissance mondiale, celle qui serait capable donc de démanteler la suprématie américaine. Ce qui se passe en Chine n'est pas très surprenant. Je pense que Trump a quand même été un petit peu verrouillé par ses conseillers qui craignaient justement qu'il engage un rapport de force avec les Chinois sur la question du déficit et du commerce. Or, on voit bien que il a fait la promotion de pas mal d'accords commerciaux, bon, certes bilatéraux, mais là, il a véritablement fait son travail de président VRP des États-Unis. Il faut savoir que dans cette délégation américaine, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a notamment le président de la Goldman Sachs qui est là, et qui est là parce que les Américains espèrent que la Chine va engager une sorte de libéralisation du secteur financier. Donc là, Trump a une posture qui correspond plus à une... qui est un petit peu plus présidentielle qui est moins engagée dans la confrontation avec la Chine. Alors après un an après l'élection de Donald Trump, les élites russes se trouvent là aussi face à une évidence. La Russie n'est pas la priorité de la politique étrangère américaine. 750 diplomates américains ont été contraints de quitter le territoire russe sur demande de Vladimir Poutine. Un rapprochement avec la Russie semble donc bien plus complexe que prévu par certains observateurs il y a un an. Alors, le rapprochement avec la Russie est quelque chose de très complexe pour deux raisons. Une, il avait reproché la politique de Barack Obama. Rappelez-vous, quand Barack Obama avait pris le pouvoir, il avait voulu engager une politique qu'on qualifiait de reset, hein, de réinitialisation avec la Russie. Obama avait échoué et Trump le lui avait reproché. Merci. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a en même temps ce dossier, donc cette enquête sur l'ingérence russe. Trump a fait une campagne quand même très très proche de la Russie. Rappelez-vous, il y a eu un moment où devant les médias américains, il s'est adressé directement à Vladimir Poutine et aux hackers russes en leur demandant littéralement de hacker les emails d'Hillary Clinton. Donc, quelles que soient les dispositions de Trump, il ne peut pas en ce moment, politiquement, en termes donc d'affichage, essayer de se rapprocher de la Russie. Ça engagerait des dommages collatéraux trop importants. Trop important. Et vis-à-vis des pays européens, donc on en parlait tout à l'heure avec la sortie des accords de Paris le 1er juin dernier, ou encore le dossier du nucléaire iranien, Donald Trump ne se montre absolument pas conciliant et surtout partenaire des pays européens. Absolument. Donc ça correspond donc à sa ligne de conduite. Il a fait également sortir donc les États-Unis de l'UNESCO. En même temps qu'il a proclamé donc une journée des Nations Unies aux États-Unis, semblant oublier que l'UNESCO est une des agences des États-Unis. Pour la fin de l'accord sur le nucléaire iranien, il faut se méfier, c'est quand même encore très rhétorique pour l'instant, puisque le Congrès des États-Unis vraisemblablement ne le suivra pas sur cette question. Les indications qu'on a pour le moment sont que le Congrès des États-Unis ne validerait pas une sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Il faut se rappeler que dans la Constitution américaine, le président n'a pas le pouvoir en matière de traité. Hein. C'est le Sénat qui fera la décision. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est très en suspens et c'est encore très rhétorique pour le dossier iranien. Hein. Oui, tout à fait. Et puis donc, justement, au Moyen-Orient, le ton ne cesse de monter entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les États-Unis soutiennent leur allié historique, les Saoudiens. Donald Trump est-il prêt à lancer une nouvelle escalade dans la région? On ne le sait pas vraiment. Le problème de Trump, c'est que la communication est tellement sulfureuse qu'on ne le sait pas vraiment. On se demande, y compris pour la Corée du Nord, c'est une question que se posent les Japonais, c'est une question que se posent les Sud-Coréens. Est-ce que Trump véritablement engagerait, par exemple, l'armée américaine pour défendre le Japon ou la Corée du Sud contre la Corée du Nord? Donc, Il est certain que Trump va continuer à défendre l'Arabie Saoudite. Il est certain que dans sa rhétorique, il va continuer à dénoncer donc la politique iranienne. Il a fait une déclaration tout récemment en disant que l'Iran n'était pas digne ou qu'il n'était pas recevable que l'Iran devienne une puissance nucléaire. On est sur une rhétorique habituelle, mais on ne sait pas avec Trump. Il n'y a pas encore eu d'événements qui permettent de mesurer véritablement le passage de la rhétorique à l'action. Donc ce sont des choses qui restent quand même, qui sont quand même à voir dans sa deuxième année au pouvoir. Et alors enfin, au-delà de la personne de Trump, a-t-il réussi finalement à transformer la politique américaine et notamment son parti, le Parti républicain? Finalement, le Trumpisme sans Trump a-t-il un avenir? La théorie que développait Steve Bannon encore récemment en disant que, bon, certes, Trump est une personnalité très sulfureuse, mais on peut garder son message, on peut faire du Trumpisme sans Trump, et c'était la politique, la stratégie électorale que souhaitait engager le Parti républicain pour les élections de mi-mandat de 2018. Avec un petit bémol maintenant, parce que vous avez vu qu'il y a eu des élections, notamment en Virginie ce mardi, qui ont été perdues par les Républicains. Or, c'est exactement ce qui avait été fait en Virginie. Ed Gillespie avait fait campagne sur des thématiques trumpiennes, sans même citer le nom de Trump. Alors, pour 2018 et pour 2020, moi, je pense que la première victime collatérale du Trumpisme sera le Parti républicain qui est en train de se déchirer. C'est un parti qui a toujours été un petit peu en guerre contre lui-même, hein, entre une frange un petit peu modérée, internationaliste sur la côte Est, et puis les militants très conservateurs au centre du pays. Trump est en train de jouer sur cette division. Et la question que commencent à se poser de nombreux républicains, c'est de savoir si Trump fait véritablement partie du Parti républicain. Et mon avis est que probablement pas. C'est un véhicule qu'il utilise, mais je ne pense pas qu'il soit dans le droit fil de la pensée républicaine. Et donc, il va falloir voir. Ben, je pense qu'il y aura une première sanction donc aux élections de mandat de mi-mandat de 2018. Et si ça se produit, Trump va devenir ce qu'on appelle un canard boiteux, ce qui est arrivé à Barack Obama donc à la fin de son deuxième mandat. Et là, on aura un peu plus de vérité puisque Trump va devoir prendre des positions beaucoup plus claires et engager des rapports de force encore plus marqués, mais là, dans la réalité, pas simplement dans la rhétorique, avec le Parti républicain et le Congrès. C'est une politique du rapport de force. Il faut bien comprendre que le marécage ou le bourbier que Trump promettait d'assécher n'a pas été asséché, bien au contraire. Vous avez un rapport de force avec la justice, avec les juges, vous avez un rapport de force avec la presse. Et donc je pense qu'il faudra un arbitrage et que le peuple américain donnera cet arbitrage probablement au mois de novembre 2018. Merci beaucoup Nicolas Gachon, universitaire et consultant, spécialiste des États-Unis. Voilà, on a essayé un petit peu d'analyser, et évidemment il y avait beaucoup d'autres sujets, vous venez d'évoquer les médias. On a essayé en tout cas d'analyser brièvement la première année de Donald Trump. À très bientôt sur C'est l'Info. Merci à vous.